J'avais à peu près les connaissances nécessaires pour un précepteur, et j'en croyais avoir le talent. Durant un an que je passais chez M. de Mably, j'eus le temps de me désabuser. La douceur de mon naturel m'eût rendu propre à ce métier, si l'emportement n'y eût mêlé ses orages. Tant que tout allait bien, et que je voyais réussir mes soins et mes peines, qu'alors je n'épargnais point, j'étais un ange. J'étais un diable, quand les choses allaient de travers. Quand mes élèves ne m'entendaient pas, j'extravaguais, et quand ils marquaient de la méchanceté, je les aurais tués. Ce n'était pas le moyen de les rendre savants et sages. J'en avais deux. Ils étaient d'humeur très différente. L'un, de 8 à 9 ans, appelé Sainte-Marie, était une jolie figure, l'esprit assez ouvert, assez vif, étourdi, badin, malin, mais d'une malignité gaie. Le cadet, appelé Condillac, paraissait presque stupide, musard, têtu comme une mule, et ne pouvant rien apprendre. On peut juger qu'entre ces deux sujets, je n'avais pas besogne faite. Avec de la patience et du sang-froid, peut-être aurais-je pu réussir. Mais, faute de l'une et de l'autre, je ne fis rien qui vaille, et mes élèves tournaient très mal. Je ne manquais pas d'assiduité, mais je manquais d'égalité, surtout de prudence. Je ne savais employer auprès d'eux que 3 instruments, toujours inutiles et toujours pernicieux auprès des enfants. Le sentiment, le raisonnement, la colère. Tantôt, je m'attendrissais avec Sainte-Marie jusqu'à pleurer. Je voulais l'attendrir lui-même, comme si l'enfant était susceptible d'une véritable émotion de cœur. Tantôt, je m'épuisais à lui parler raison, comme s'il avait pu m'entendre. Et comme il me faisait quelquefois des arguments très subtils, je le prenais tout de bon pour raisonnable, parce qu'il était raisonneur. Le petit Condillac était encore plus embarrassant, parce que, n'entendant rien, ne répondant rien, ne s'émouvant de rien, et d'une opiniâtreté à toute épreuve, il ne triomphait jamais mieux de moi que quand il m'avait mis en fureur. Alors, c'était lui qui était le sage, et c'était moi qui étais l'enfant. Je voyais toutes mes fautes, je les sentais. J'étudiais l'esprit de mes élèves, je les pénétrais très bien, et je ne crois pas que jamais une seule fois j'étais la dupe de leur ruse. Mais que me servait de voir le mal sans savoir appliquer le remède? En pénétrant tout, je n'empêchais rien. Je ne réussissais à rien, et tout ce que je faisais était précisément ce qu'il ne fallait pas faire.